Les vacances et l'été, je n'oublierai jamais. Non, jamais. Le ciel était bleu, la mer était si belle, et tu étais là contre moi. Oh, le temps où tu m'aimais, je n'oublierai jamais, non oublier le mal que tu m'as fait.